Au bistrot de Paris. Lucien est serveur au bistrot de Paris. Il est très sympathique. Il est vieux, mais il est en forme. Il est rapide, il est efficace. Il est drôle et il est bavard. Il est typiquement français.